déchéance. Il faut que tu me laisses une chance. C'est vrai, de toi j'ai souvent rêvé. Je les ai vus enlacés. Je ne croyais pas le mal à te penser. Faisons sur nous de curieux projets. Encore aujourd'hui et demain, encore un peu, ce ne serait vraiment rien à tes yeux. Et si la lumière me retient par un cheveu, laisse le temps à moi et au mien de vous dire adieu. Le remède, la seule qui m'apporterait son aide. J'en avais marre de tous ces gens, ce qui me largue de bons sentiments. Et tout ce bloc qu'on se jetait aux yeux, pour faire croire qu'on était heureux. Oh mon Dieu, pour vivre bien, soyons malheureux. Encore aujourd'hui et demain, encore un peu, ce ne serait vraiment rien à tes yeux. Et si la lumière me retient par un cheveu, laisse le temps à moi et au mien de nous dire adieu. Aujourd'hui et demain, encore un peu, ce ne serait vraiment rien à tes yeux. Et si la lumière me retient par un cheveu, laisse le temps à moi et au mien de nous dire adieu.